Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes fin prêt pour cette nouvelle pastille poétique, pastille aux odeurs de poésie, pastille aux odeurs de presque été si l'on peut dire. Et puisque justement nous sommes moins inquiétés ces temps-ci par des temps pluvieux, quoique on a été gâtés à la milieu de mai, mais toujours est-il que je me suis dit qu'il était temps, oui, je vais vous le dire comme ça. Je me suis dit qu'il était temps de pouvoir faire un petit synonyme d'été, malgré tout. Et oui, mes chers amis, faire un synonyme de ce que le printemps et de ce que le printemps représente, le rebourgeonnement, l'occasion de pouvoir encore contempler le recommencement des saisons, puisqu'on est souvent en train de se plaindre qu'elle n'existe plus. Sans doute est-ce vrai, considérons le mal que nous avons fait à la planète ces derniers temps. Mais je me dis qu'il est toujours bon, même si ce n'est que pour un simple souvenir, de savoir ce que le printemps est un objectif de la Renaissance. Et la Renaissance, c'est souvent l'occasion de pouvoir se réconcilier avec son passé et s'en servir comme tremplin vers l'avenir ou vers un présent plus désirable. Aussi, cette chronique, cette pastille poétique va replonger dans ce que le souvenir peut parfois avoir de douloureux pour s'en servir à de meilleurs desseins. Et pour cela, nous allons évoquer une poétesse ensemble, une poétesse du 19e, très connue. Mais avant, et presque traditionnellement, mes chers amis, il est temps de savoir s'entourer un peu de musique, puisque nous parlons un peu de printemps. Il est vraiment temps de se rappeler que parfois même le printemps chante, même si en l'occurrence nous n'allons pas écouter Claude François. Je vous laisse avec un accent de poésie musicalisée, puisque vient tout de suite pour vos chères oreilles, mes chers amis, David Bowie. Things done. I catch a paper boy, put things retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Eh oui, mes chers amis, Isaac Newton clamait que les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Oui, car plus que se définir soi-même, clarifier une identité face à un monde que certains disent en délitement total, eh bien, dans ce monde-là, il est préférable de se définir soi-même, mais aussi avec le monde. Et quoi de mieux, quand tout le monde hurle, de murmurer tout bas ? Les liens indéfectibles de l'amitié, de l'amour, de l'union ne se construisent qu'avec le ciment du dialogue et des sentiments qui les a noués. Mais dans cette cacophonie, qui écoute encore au lieu d'entendre ? Qui ne peuple pas ses jours des spectres fantomatiques du souvenir ? La poétesse dont je vais vous parler aujourd'hui saura vous rappeler la difficulté de construire ces mêmes ponts évoqués juste avant par Isaac Newton. Marceline Desbordes-Valmore, elle, les construit pourtant et non sans peine. Elle établit un lien fort avec ses souvenirs et tente de dialoguer avec eux, avec nous et bien évidemment avec l'autre. Parfois, elle y parvient, parfois personne ne l'entend et c'est la solitude qui l'assaille. C'est une esthétique d'ailleurs bien personnelle que tisse Valmore au sein de son premier recueil de poésie. Et c'est ce qui me touche à vrai dire tout particulièrement. Le premier extrait de son premier recueil, intitulé « Son image », le premier extrait, nous fait part du souvenir d'un amour qui revient à la poétesse. Je cite « Pour me toucher, il prit un air timide, puis à mes pieds, en pleurant, il tomba. J'oubliais tout dès que l'amour pleura. » Elle dialogue donc, en premier lieu avec ses pensées. L'amour revient, mais on a comme l'impression d'un fantôme, d'une seule enveloppe qui, au fur et à mesure, se concrétise et prend forme pour sangloter aux pieds de l'artiste. Par suite, son élégie, et là c'est aussi le titre d'un des poèmes, nous narre donc un extrait adressé à un amour infidèle. Je cite « Toi qui m'as tout repris, jusqu'au bonheur d'attendre, tu m'as laissé pourtant l'aliment d'un cœur tendre, l'amour. Et ma mémoire... où se nourrit l'amour, je lui dois le passé, c'est presque ton retour. » Là aussi, le souvenir est vivace, celui de la douleur liée à l'infidélité. Il la hante même, évidemment. « Ma vie est dans ce rêve où tu ne fuis jamais. » Le poème est en question et tantôt au présent, tantôt au futur, et laisse présager de toute cette vivacité de la réminiscence douloureuse de ce souvenir qui parfois fait très mal. Une autre élégie qui suit la précédente déclame « J'étais à toi peut-être avant de t'avoir vu ». Cette phrase est très connue de Valmore. Ici, bien que la poétesse nous fasse toujours part d'un souvenir, il semble d'abord plus heureux. Elle trouve certes une source inépuisable dans ce dialogue muet où, dans un regard, leurs âmes s'embrassèrent. Les sentiments, évidemment, passent entre quatre yeux sans exprimer un mot. Mais le dialogue est présent, même s'il se tait. Après tout, bien parler, souvent, c'est savoir quand se taire. On a presque l'impression que, chez Valmore, croire en l'amour, c'est risquer de le vivre. Il le faut, d'ailleurs. Je cite « La vie est dans l'amour », écrit-elle beaucoup plus loin dans le recueil. Il la cherchait la nuit, berçait son sommeil, errait dans son souffle, et, mêlé dans la mort, comme un dernier baiser. Il fermera sa bouche. L'empreinte est vive, comme un parfum sur l'âme, pour paraphraser Sand. Valmore risque cet amour qui finit mélancoliquement par la hanter. Tant il est puissant, tant l'odeur de la rose l'enivre moins que la douleur des épines qui heurtent sa peau. Finalement, Marceline jette des ponts, vers de diaboliques cauchemars, certes, dans l'espoir d'en faire de bienheureux songes. Mais faisons, mes chers amis, une petite pause musicale qui saura être comme deux ponts entre deux passages de cette petite chronique poétique qu'est justement la pastille poétique. On va écouter « You are not alone » de Michael Jackson qui a fait son grand retour sur grand écran il y a quelques temps. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le film, dommage, mais j'aime tout particulièrement cet artiste et en particulier ses chansons. Donc on y va, c'est parti. Another day is gone, I'm still alone. Go and leave my world so cold. retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Un peu de douceur, mes chers amis, bon Dieu, ça fait du bien. C'était donc Michael Jackson avec You Are Not Alone. Nous parlions pour cette nouvelle pastille poétique de Marceline Desbordes-Valmore, cette poétesse du 19e siècle qui avait été notamment vantée, elle et surtout sa poésie, par un poète que vous connaissez tous qui s'appelle Charles Baudelaire. Cette poétesse qui avait... La prestance entre guillemets et surtout le souvenir dans le vers, et c'était tout l'intérêt d'ailleurs de cette petite pastille poétique, mes chers amis, c'était justement de se rappeler qu'il faut faire parfois grâce au souvenir des ponts dans le monde plutôt que des murs. Pour reprendre l'expression que j'avais citée tout à l'heure, d'Isaac Newton. Et Marceline Desbordes-Valmore écrit dans un de ses autres recueils « Peut-être un jour, sa voix tendre et voilée m'appellera sous de jeunes cyprès. Plus heureuse que lui, j'entendrai ses regrets, alors je resterai seule, mais consolée. » Elle trouve en une introspection mélancolique le moyen sans doute d'exorciser son mal. Plusieurs poèmes sont même nommés « Souvenirs ». L'esthétique romantique est donc ici indiscutable, hein, ça va de soi. J'explore donc avec vous Desbordes-Valmore et ses souvenirs, car ils sont puissants et nous rappellent à l'exploration de soi. Et surtout, et c'est important de le dire en ce moment, à la découverte des autres et de la vie. La poétesse nous reprécise que l'amour certes fait mal, mais aussi que l'amour fait vivre. Vous le saurez. Oui. Quoi qu'il puisse être, de gré ou de force, amour sera le maître. Et dans sa fièvre alors lente à guérir, vous souffrirez ou vous ferez souffrir. Dès que l'on a vu, son absence est affreuse. Et dès qu'il revient, on tremble nuit et jour. Souvent, enfin, la mort est dans l'amour. Et cependant, oui, l'amour peut rendre heureux. Le bonheur semble donc à portée. C'est en tout cas ce que nous témoigne Valmore dans son poème. Il faudrait donc, notre vision contemporaine, hein, évidemment, nous le fait comprendre, laisser ces fantômes et, comme des Orphées plus prudents, avancer mais sans se retourner. La poétesse, elle, subit un mal qui s'accroît à mesure qu'elle regarde derrière elle. En cela, elle dialogue avec nous, contemporains. Si Balzac ou bien encore Baudelaire en leur temps, hein, je viens de vous le dire, vantaient Desbordes-Valmore et admiraient son talent poétique, les vers de la poétesse nous parlent encore et plus que jamais. Certains chanteurs, je crois, de souvenir, mais il faudra que je vérifie ça, que c'était Florent Pagny qui avait repris Desbordes-Valmore. Certains de ces vers nous rappellent le besoin de construire des ponts vers l'autre et vers un présent plus heureux, même teinté de songes irréels. Leur portée mélancolique nous draine le cœur et le fait avancer comme une catharsis au théâtre, hein, une purgation. Alors, en notre 21e siècle, il nous faut mettre une bien solide parenthèse entre les guerres, les informations outrancières et nous, et faire des ponts jusqu'aux autres, en se rappelant enfin que celle-là même les a détruits, ces informations outrancières, ces guerres affreuses. Et sur des cendres, on verra aussi bientôt pousser des fleurs. C'est ainsi, mes chers amis, que se conclut cette pastille poétique aux odeurs aujourd'hui de souvenirs et de réminiscences, j'en conviens. Mais parfois, il est bon de se rappeler que pour avancer plus sereinement, il faut arriver à avoir des souvenirs qui certes peuvent être malheureux, qui certes peuvent être heureux, mais des souvenirs qui indéniablement nous construisent. D'ici au mois prochain, mes chers amis, je vous souhaite évidemment une excellente suite, même si le temps se prête aux changements d'hiver. Je vous souhaite aussi de bien beaux moments partagés ou pas, car on s'amuse aussi magnifiquement dans le creux de la solitude savourée. Toujours est-il, mes chers amis, que je vous embrasse. À très bientôt. Prenez surtout bien soin de vous.